Ainsi se termine votre nuit rêvée, Jean-Pierre Calfon. Au cours de cette nuit, nous avons entendu les voix de Pierre Clémenti, Marc O, Romain Gary, Bernadette Lafont, Sacha Pitoef, Jean Babilet, Jacques Rivette, Roger Blin, Alain Cuny, Maria Callas et une émission sur les Doors et aussi un extrait de Weekend de Jean-Luc Godard. Et puis, la voix d'Elvis Presley. Jean-Pierre Calfon, si, comme je l'ai dit, vous semblez avoir trouvé votre compte et de la joie à toutes les époques de votre parcours, n'êtes-vous pas un peu nostalgique par les temps qui courent d'un temps où, en amour comme dans la création artistique, les pensées, les paroles et les gestes étaient moins contrôlés, moins polissés qu'aujourd'hui ? Oui, c'est possible, en effet, mais justement, c'est maintenant qu'il faut lutter encore plus pour essayer de continuer à apporter du rêve et apporter un peu de choses différentes au public, à ceux qui peuvent aimer les choses artistiques. C'est le moment de pas se laisser aller à la nostalgie, justement, on peut pas tomber, d'avancer. Dans la vie, il y a qu'une chose. Chaque jour est une page, il faut la remplir. Il faut lui faire raconter son histoire, quoi. Avez-vous conscience d'être un comédien emblématique d'un temps de liberté, d'invention, de désir? Non, j'ai pas de conscience de rien. J'avance, je fais les choses. C'est les autres qui peuvent savoir si je suis emblématique de quelque chose. Pour moi, je suis emblématique de rien du tout. Je fais ce que j'ai à faire, ce qui me semble possible pour moi de faire. Point barre. Avec âme et poésie. J'essaye. Dans 30 ou 40 ans, quand des comédiens viendront à la radio raconter leurs débuts aux côtés de Jean-Pierre Calfon dans un film des années 90-2000, qu'aimeriez-vous qu'ils disent de vous ? Qu'ils aimeraient pouvoir chercher et trouver un peu de liberté comme je l'ai fait, voilà. Merci Jean-Pierre Calfon de nous avoir fait partager votre nuit rêvée. On a oublié pas mal de gens en route, hein, les B.B. King, les Albert King. Oui, il y a aussi beaucoup d'autres, Stevie Wonder, d'autres voix Charles, que vous auriez aimé entendre. Ray Charles, tout ça, c'est beaucoup de Serge Gainsbourg, Alain Bachung, il y a plein de gens, évidemment. Mais enfin, il y a des choix à faire, on a fait ces choix-là, ça n'empêche pas les gens de savoir qu'on aime d'autres choses aussi, quoi. Merci Jean-Pierre Calfon. Merci à vous, Alban. Je rappelle aux auditeurs le titre de votre autobiographie, Tout va bien, ment, paru aux éditions de l'Archipel. Et ne manquez pas, les nuits prochaines, la suite de la série d'entretiens avec Alain Cuny. Et demain, le deuxième et dernier volet du carnet de notes consacré à la Callas. Chargé de cette émission, Hassan Mbechour, à la technique Audrey Guélil, réalisation Virginie Mourté. Alban Pénaranda et l'équipe des Nuits de France Culture vous souhaitent une excellente journée sur notre chaîne. Vous pouvez télécharger et réécouter quand vous voulez La Nuit rêvée de Jean-Pierre Calfon sur le site franceculture.fr à la page des Nuits et vous y trouverez aussi les dates de ses prochains concerts. Jean-Pierre Calfon, nous nous quittons avec Amy Winehouse, Back to Black. La beauté. Très bonne journée à vous Jean-Pierre Calfon. Le génie de Amy Winehouse, bonne journée à vous, bonne journée à tout le monde. Très bonne journée à toutes et à tous.